Bonjour. J'ai un voisin qui est tannant. Il parle tellement fort. J'aimerais parler encore aujourd'hui du principe d'altérité et par rapport aussi là, de la façon dont on emploie les mots et qu'on s'en sert pour induire certaines choses au niveau de la façon de voir des gens. Comme ce matin. Vous savez tous, là, les gens qui sont au Québec, le petit Jake qui a été enlevé par son père. Eh bien, ce matin, dans le journal de Montréal, il y a un article. Vous savez, anciennement, ah bon, j'ai plus la page. Bon, ben, c'est pas grave parce que je m'en souviens. Anciennement, quand un homme se barricadait dans une maison, on disait que le suspect était un forcené qui s'était barricadé. Eh bien, ce matin, dans le journal de Montréal, il est dit que le suspect est confiné dans une maison, qu'il est confiné dans une maison. Qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit que dans le futur, de plus en plus, les médias vont employer des termes pour essayer d'associer les gens qui n'ont pas été inoculés deux fois ou adéquatement ou trois fois, on ne sait pas dans le futur ça va être combien de fois. Ils vont essayer d'associer ça à de la criminalité. Et là, on essaie de le faire d'une façon inversée. On a un homme qui est barricadé dans une maison et on dit qu'il est confiné. Donc, ce que ça me dit, c'est que dans le futur, il va y avoir des reconfinements, mais pour les gens qui n'ont pas été inoculés adéquatement. Et ce que ça me dit aussi, c'est que possiblement que les policiers dans la rue vont demander le pass sanitaire à partir d'une certaine heure, l'heure du confinement, un peu comme dans le tas du ghetto de Varsovie. Aussi, une autre affaire, nous avons M. Justin Trudeau en pleine campagne qui est allé déclarer que les gens qui ne sont pas inoculés adéquatement, on doit les condamner et les corriger. Il a osé aller dire ça. Les médias le reprennent pas trop parce qu'il va un petit peu fort et les médias l'aiment beaucoup, pour toutes sortes de raisons liées à des intérêts. Donc, comme vous pouvez voir, les gens qui n'ont pas été inoculés adéquatement, comme eux, le disent, vont être associés de plus en plus à des asociaux et des criminels. Et on continue d'insulter les gens dans les médias en disant qu'il s'agit de gens sans instruction, sans diplomation et sans emploi. Pourtant, nous avons eu une manifestation, une marche des professionnels. Pas des gens qui exercent un métier, des gens qui exercent une profession, c'est-à-dire des gens diplômés qui ont marché dans les rues, et pourtant les médias n'en parlent pas. C'est entièrement des techniques de psychologie inversée, des techniques de propagande, des techniques d'induction, des techniques de mise en condition, des techniques de manipulation. Et c'est très, très, très grossièrement fait. On voit les fils. Malheureusement, la majorité des gens ne sont pas capables de percevoir ça et c'est très dommage. Et on pourrait se demander si M. Legault n'a pas eu la générosité d'envoyer chez Québécois et ailleurs de ses amis de Mackenzie Group. C'est possible, c'est même probable. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci, bonne journée.